Vacarme s'achève ainsi. Passez une très bonne journée à l'écoute de la Première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Finalement, il se passe beaucoup plus de choses parmi les gens qui ne sont pas engagés ou qui ne se réclament pas forcément de grandes causes que chez des militants qui, en général, c'est vrai, vous reproduisent directement un discours assez attendu, sauf très rares cas. J'habite une campagne dans un petit village de 300 habitants, 80 km par jour en bagnole, et croit que c'est sa prime de 30 euros qui va nous faire changer d'avis, mais il peut s'en mettre dans son cul. On a donné au Royaume-Uni le droit aux consommateurs, aux associations de consommateurs, de porter plainte contre une grève qui entraverait le droit à disposer d'un produit ou d'un article en magasin. Pour qu'un syndicat puisse s'implanter dans une entreprise, il faut que, dans un premier temps, ce syndicat ait obtenu 30% de signatures, à la suite de quoi, dans un deuxième temps, il doit obtenir, sous la supervision de l'État fédéral, hein, d'une agence fédérale qui s'appelle le National Labor Relations Board, il doit obtenir 50% plus une voix, donc la majorité des voix, qui exprime l'intention de se syndiquer et qui va donner, à la suite de ce processus, le monopole de la représentation au syndicat en question. Cette semaine, négociation ou dialogue de sourds. On ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, voilà. Écoutez, non, mais c'est sans appel. La grève. Grève contre la vente de lits à des centres d'enfants. Grève dans des centres de détention de migrants mineurs aux frontières. Grève express de 6 heures par des magasiniers d'un des membres des GAFA. Grève des profs. Grève des gardiens d'immeubles. Grève des scénaristes. Grève du sexe. Toutes ces grèves proviennent des États-Unis et c'est de nos jours qu'elles se déroulent dans l'un des pays les plus fortement engagés dans les bras de fer avec le patronat, historiquement parlant. À quoi ressemble donc le paysage syndical américain ? Histoire vivante, cette semaine, la grève. Aujourd'hui, entretien avec Catherine Sauvia, économiste à l'Institut de recherche économique et sociale. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Oui, donc mon nom est Catherine Sauvia, je suis économiste à l'Institut de recherche économique et sociale. L'Institut de recherche économique et sociale est un institut un peu particulier qui a été fondé au début des années 80 par le premier gouvernement de gauche, le gouvernement Mauroy. Financé sur fonds publics mais au service des principales organisations syndicales françaises. Catherine Sauvia, on m'a donné votre nom, je ne dirai pas qui, mais en vous présentant comme quelqu'un qui s'est, sinon spécialiste, mais s'est intéressé à la question syndicale aux États-Unis. Oui. C'est vrai ? Tout à fait, oui. Ouais. Alors, l'histoire est un peu compliquée parce qu'en fait, dans cet institut dont je vous parlais, l'IRES, nous avons une publication qui s'appelle « La chronique internationale de l'IRES ». Cette chronique internationale de l'IRES, elle a été, même si elle ne portait pas ce nom à l'époque, elle a été créée quasiment dès le début avec l'idée de donner à voir l'actualité économique et sociale à l'étranger. Donc cette publication à l'origine s'appelait l'Agenda social international et a pris un peu plus de consistance, je dirais. Donc les articles se sont un peu développés, etc. Et chaque chercheur de l'IRES est assigné, si je puis dire, mais c'est son, en général, c'est le choix qui dépend aussi des contraintes linguistiques, au suivi d'un pays en particulier. Une zone. Voilà. Ouais. Alors, il se trouve que moi, j'ai commencé par suivre l'Italie, en fait. Et puis, à côté de cette activité, bien sûr, de suivi de l'actualité économique et sociale à l'étranger, nous avons des thèmes de recherche qui représentent l'essentiel de notre travail à l'IRES. Et à l'époque, dans les années 90, je travaillais sur, disons, la financiarisation de l'économie et les impacts de cette financiarisation sur la gestion de la main d'œuvre dans les entreprises françaises. Et donc, je me suis intéressée à la question des fonds de pension, des fonds d'investissement américains et de leur impact sur la gestion de la main d'œuvre. la personne, ma collègue qui suivait les États-Unis à l'époque, est partie à Genève d'ailleurs, à l'administration de la sécurité sociale, enfin l'organisation de l'administration de la sécurité sociale, je me trompe sans doute sur l'intitulé, mais voilà. Et de ce fait, j'ai décidé de suivre les États-Unis qui, de par mon travail de chercheur principal, si vous voulez, m'intéressait au premier chef. Et puis, cette collègue aussi m'avait donné l'envie de suivre l'actualité sociale aux États-Unis, les questions de syndicalisme, etc. Alors, il y a à la fois des questions d'actualité, mais on peut dire aussi une certaine réflexion historique à avoir. Tiens, si je prends un exemple, celui du cinéma. Je vous ferai bien un quiz, mais je vais pas quand même vous imposer ça. Il m'est revenu en réfléchissant sur l'entretien qu'on pouvait avoir. Un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, probablement, c'est un assez grand classique d'Elia Kazan avec Marlon Brando, musique de Leonard Bernstein. On the Waterfront. Autrement dit, sur les quais, qui raconte une histoire d'un syndicat contrôlé par la mafia. Et cette image, cette association syndicat-mafia, elle va être très inscrite dans les représentations que l'on peut avoir du syndicat américain. De ce que vous avez pu étudier, Catherine Sauvia, quelle est la part de mythologie, la part de réalité? Est-ce qu'il y a un peu des deux mêlés? Alors, c'est quelque chose qui a traversé effectivement l'histoire du syndicalisme américain, mais de certains syndicats. D'un certain syndicalisme. Voilà, de certains syndicats, de certaines organisations syndicales. Ce n'était pas les corporations particulièrement, c'était certains syndicats. Certains syndicats, d'accord. Et en particulier des syndicats de métiers, puisque aux États-Unis, vous avez deux sortes de syndicats, qui à l'époque étaient séparés d'ailleurs. Vous aviez ce qu'on appelle les syndicats de métiers, qui étaient les syndicats de l'American Federation of Labor, l'AFL. Et puis, dans les années 30, il y a eu justement, avec le développement de pratiques plus militantes, de grèves, etc., une autre branche du syndicalisme, qui était beaucoup plus un syndicalisme d'industrie, de secteur industriel, qui était le Congress of Industrial Organization, le CIO. Ces deux branches du syndicalisme s'étant rapprochées dans les années 50 pour créer l'AFL-CIO. Mais donc, les phénomènes de corruption, effectivement, on les a trouvés dans certains syndicats de métiers, encore que récemment, je dirais, on les a trouvés aussi dans le syndicat de l'automobile, l'UAW, avec des petites corruptions. Mais les grosses affaires de corruption. Le gangrenage. C'est dans certains syndicats de métiers, donc ça a existé. Je pense que les syndicats ont fait leur toilette depuis. Et puis surtout, il y a eu un amendement à la grande loi du travail, qui est la loi Wagner de 1935. Il y a eu un amendement en 1959, qui est la loi Landrum-Griffiths, qui, donnez-nous, qui évidemment permet d'exercer, si vous voulez, un contrôle très serré des activités des syndicats, qui doivent produire chaque année des rapports financiers, qui doivent dire leur nombre d'adhérents, etc. Ce qui fait que on connaît très précisément, si vous voulez, le nombre de membres d'un syndicat, à la différence, par exemple, de la France, où c'est toujours estimé, etc. Voilà. Catherine Sauvia, si on veut un petit peu avoir un premier tour d'horizon sur la place et le rôle des syndicats aux États-Unis, leurs forces, leurs faiblesses, leur secteur. Si on doit faire un premier tour d'horizon peut-être sur les syndicats, leurs faiblesses, leur puissance, leur rôle, leur place aux États-Unis. Alors, le syndicalisme aux États-Unis, il a largement décliné. Il a atteint, disons, son maximum de taux de syndicalisation, donc de nombre de membres d'un syndicat dans les années 50, et n'a fait depuis que décliner. Il a... Par déception? Je pense que ça provient à la fois du cadre juridique qui est extrêmement contraignant pour les syndicats, et en particulier la possibilité de gagner une campagne de syndicalisation dans une entreprise, qui est un véritable parcours du combattant, je vais y revenir. Et il vient aussi sans doute de l'intérieur même des syndicats, du type de syndicalisme qui s'est développé, qui est beaucoup moins un syndicalisme, je dirais, militant, qu'un syndicalisme gestionnaire qui gère la convention collective qui est renouvelée tous les 3 ou 4 ans selon les entreprises, etc., qui donne un espèce de ronron, je dirais, qui n'attire pas forcément peut-être les jeunes ou d'autres parties de la population active. Donc, pour le cadre juridique, donc c'est intéressant. En quoi est-il complexe ? Alors, le cadre juridique, il est complexe parce que pour qu'un syndicat puisse s'implanter dans une entreprise, il faut que, dans un premier temps, ce syndicat ait obtenu 30% de signatures sur le lieu de travail, à la suite de quoi, dans un deuxième temps, il doit obtenir, sous la supervision de l'État fédéral, d'une agence fédérale qui s'appelle le National Labor Relations Board, il doit obtenir 50% plus une voix, donc la majorité des voix, qui exprime l'intention de se syndiquer et qui va donner, à la suite de ce processus, le monopole de la représentation au syndicat en question. Dans la traduction, ça veut dire que il y a un écrémage phénoménal qui a lieu du fait même de ce processus. Oui, c'est très compliqué parce que ça engage pour le syndicat des ressources financières et humaines très compliquées. D'autre part, les employeurs ne sont pas neutres dans ce processus. Ils peuvent mobiliser des tactiques d'intimidation, faire appel à des consultants, à des psychologues d'entreprise, à des sociétés diverses pour... Faire barrage. Oui, pour menacer même, pour menacer. Les salariés, etc. Ça rend la syndicalisation très compliquée. Ça, c'est la syndicalisation tout secteur confondu. C'est la syndicalisation tout secteur confondu, mais il faut faire effectivement la distinction entre la syndicalisation des travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public. Parce que cette loi Wagner de 35, en fait, qui pour la première fois accorde un droit à la syndicalisation et à l'ouverture d'une négociation collective suite à la syndicalisation, elle vaut seulement pour les travailleurs du privé. Les travailleurs du public, ils ont obtenu ça dans les années 60. D'abord les travailleurs du gouvernement fédéral, ensuite ceux des États et des collectivités locales. C'est réglementé au niveau des États et des collectivités locales par des lois, justement, des États. Donc cette loi Wagner de 35, elle a été remise en cause ou sévèrement, si vous voulez, limitée en 47, quand les Républicains sont revenus au pouvoir, par une loi qui s'appelle le Taft-Hartley Act, que les syndicalistes ont appelé la Slave Labor Act, le Slave Labor Act, une loi d'esclaves du travail. Cette loi en 47 a limité considérablement et revenu sur les droits qui avaient été accordés en 35. On donnait justement aux employeurs la possibilité d'intervenir dans les campagnes de syndicalisation, de dénoncer des pratiques déloyales du syndicat, etc., etc., de limiter le droit de grève. Le droit des boycotts, les grèves de solidarité, etc., tout cela a été limité. Et d'autre part, les syndicats eux-mêmes ont limité le droit de grève dans les années 50 en autorisant les grèves qu'en dernier recours, c'est-à-dire en interdisant les grèves durant la période de validité d'une convention collective qui dure en général 3 ou 4 ans et à n'autoriser la grève qu'en dernier recours quand il y a un désaccord sur les termes de la convention collective et que le syndicat à ce moment-là va appeler à la grève. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Catherine Sauvia. Il semble, Catherine Sauvia, en vous entendant, qu'il y a quand même un lien syndicat politique assez important. Je crois avoir relevé d'ailleurs quelque part dans vos lignes, vous parlez d'une subordination au Parti démocrate pour certains syndicats. Est-ce que c'est à comprendre qu'il y a, de la même manière qu'il y a un bipartisme aux États-Unis, il y a également un monde syndical qui globalement penche du côté Parti démocrate et qu'à toute nouvelle élection, changement de régime venu au pouvoir du Parti républicain, ce qui a pu être préalablement acquis est désormais soumis à du changement? Il y a toujours eu effectivement un lien entre le syndicalisme américain et le Parti démocrate. Les syndicats sont parmi les principaux contributeurs aux campagnes des démocrates. C'est une aide financière très substantielle, ce qui a sans doute limité le pouvoir d'intervention des syndicats dans leurs revendications. Comment comprendre s'il y a à la fois moins de syndiqués par rapport aux années 50, mais en même temps un poids économique des syndicats envers le Parti démocrate? Est-ce que cette manne financière va aller s'allégeant au fur et à mesure des élections? Ou est-ce qu'elle est encore aujourd'hui, alors qu'elle est toujours aussi importante? Elle est encore très importante. Bah alors d'où les syndicats tirent-ils leurs finances? Bah, des cotisations des membres. Oui, mais s'il y a de moins en moins de syndiqués, il y a forcément de moins en moins d'argent. Oui, mais ils ont encore de l'argent pour soutenir le Parti démocrate, avec l'espoir, si vous voulez, de faire passer des lois qui favoriseraient la syndicalisation. Et en particulier, quand je vous décrivais ce processus d'accréditation syndicale, c'est-à-dire les difficultés qu'a un syndicat à s'implanter dans une entreprise. Les syndicats ont cherché à contourner cette procédure par une procédure accélérée qui s'appelle la card check recognition, qui consiste à recueillir immédiatement dans une entreprise, sur un lieu de travail, une majorité de signatures en faveur de l'implantation d'un syndicat. Pour ça, ils ont besoin d'avoir la neutralité de l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur ne s'engage pas à s'opposer, etc. Et donc, ils ont besoin de l'assentiment de l'employeur. Alors, ça existe dans quelques secteurs, certains syndicats, etc., l'ont obtenu, mais Obama, lors de sa première campagne présidentielle en 2008, s'était engagé à faire voter une loi qui s'appelait le Free Choice Act, qui aurait permis justement d'acter par la loi le fait de cette procédure accélérée, hein, c'est-à-dire ne plus avoir à passer par ce parcours du combattant sous supervision de ce National Labor Relations Act, etc. Et en fait, cette loi n'a pas été adoptée au Congrès, et je dirais qu'Obama n'a pas mis par la suite, ça n'a jamais été réintroduit au Congrès, ou si ça a été réintroduit, il n'a pas mis tout son poids vis-à-vis des parlementaires démocrates pour faire adopter cette loi. Dans le paysage des États-Unis, paysage social, économique et syndical dont nous parlons aujourd'hui, Catherine Sauvier, il y a aussi quelque chose qu'il faut apporter sur la table, à la connaissance, c'est les différenciations entre États, selon que l'on soit au sud ou que l'on soit à l'est ou au nord. Il y a là de singulières disparités. Est-ce que vous pourriez un peu nous les présenter? Bon, je vous ai expliqué le processus par lequel un syndicat s'implante dans l'entreprise et par lequel il détient le monopole de la représentation. Ça veut dire que la syndicalisation aux États-Unis, c'est pas un choix individuel, c'est pas un acte individuel comme en France où on se dit tiens, je vais adhérer, etc. Non. Quand un syndicat s'implante dans l'entreprise, sur des lieux de travail qui sont très très délimités, ne tapez pas sur la table, c'est interdit. Tout le monde devient syndiqué, même si les travailleurs n'ont pas envie d'être syndiqués et de devenir membre de ce syndicat. C'est une obligation. C'est une obligation. Sauf que, en 47, le Taft-Hartley Act donne le droit aux travailleurs de ne pas devenir membre d'un syndicat. Une dispense? Une forme de dispense. C'est-à-dire, ils continuent à être représentés dans la négociation collective et à tirer les bénéfices de la négociation collective, mais il n'est pas membre d'un syndicat. Et d'ailleurs, le Bureau des statistiques du travail distingue dans ses statistiques officielles le nombre de membres d'un syndicat et le nombre de travailleurs représentés par un syndicat, c'est-à-dire ceux qui ont refusé d'être membres du syndicat, mais qui, en conséquence, n'ont pas à payer une partie de la cotisation syndicale. Il s'agissait donc d'affaiblir le plus possible le poids absolument. Des syndicats à l'intérieur de l'entreprise. Absolument, ouais. Absolument. Et donc, à partir de cette loi rendant possible à des travailleurs, etc., il y a un certain nombre d'États qui ont adopté ce qu'on appelle des lois de droit au travail. Ça s'appelle les États right to work. Et par rapport à votre question sur les différences entre les États du Sud et du Nord, eh bien, la plupart des États du Sud ont adopté cette loi qui met en cause, si vous voulez, à la fois le financement des syndicats et donc leur puissance d'intervention. La traduction, elle est quoi ? L'origine est culturelle, elle est politique, elle est... Pourquoi les États du Sud plus que les États du Nord ou de l'Est ? Elle est historique, c'est les États de l'esclavage, c'est les États où les démocrates, ce qu'on appelle les démocrates du Sud, sont extrêmement conservateurs. Et dans toutes les lois qui ont été votées, même les lois les plus progressives, comme la loi Wagner Act, on voit très bien que les droits qui ont été accordés à l'époque, qui sont des droits collectifs, ils ont été accordés sauf pour un certain nombre de catégories spécifiques comme les domestiques. Mais les domestiques à l'époque, c'était des Noirs, etc. Catherine Sauvia, il y a aussi des choses qui sont assez incroyables dans les mouvements de grève aux États-Unis. J'en ai relevé une qui est la grève des gardiens d'immeubles. Janitors. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Alors ça, c'est une grève qui s'est passée sur la côte ouest en Californie dans les années 90 ou 2000. Je pense que c'est le milieu des années 90, qui a été très préparée, je dirais, par le syndicat des services, qui est un des syndicats les plus importants. C'est une grève qui a touché aussi une catégorie très spécifique de travailleurs, qui étaient des travailleurs d'origine latino-américaine, hispanique, etc. Une des premières grèves qui a, disons, renouveler un peu les pratiques militantes du syndicalisme américain, puisque c'est une grève qui a cherché à associer les grévistes avec les communautés locales, à avoir le soutien du public, etc. Et qui s'est traduite effectivement par des résultats très importants dans le cadre d'accords contractuels, etc. Et donc c'est une grève qui a marqué vraiment le syndicalisme américain et qui l'a marqué dans le... disons, dans le renouvellement de ces pratiques, avec des pratiques beaucoup plus innovantes, qui va rechercher vraiment le soutien des communautés locales, etc. Et je dirais qu'on retrouve ça dans les grèves qui se sont produites en 2018. Vous savez qu'en 2018, il y a eu, en fait, de la même façon que le syndicalisme décline, le nombre de grèves a décliné très fortement aux États-Unis. Depuis les années 80, en fait, les années 80, c'est l'arrivée de Reagan au pouvoir, c'est ce qu'on appelle la révolution conservatrice, etc. En 2017, il y a eu 7 grèves qui ont impliqué plus de 1000 travailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en 2018, ce chiffre remonte de façon très importante. Pourquoi ? Parce que il y a des grèves enseignantes qui vont se produire dans un certain nombre d'États où pourtant la grève est illégale, des États du Sud. C'est des grèves qui sont préparées parfois un peu en dehors des syndicats, qui jouent beaucoup sur la mobilisation, qui va chercher le soutien du public, qui s'organise un peu secrètement par des réseaux Facebook fermés, qui s'appuient sur des pratiques un peu nouvelles, hein, qui vont revigorer le syndicalisme. Mais qu'est-ce que c'est que de préparer une grève ? Là, qu'est-ce que ça sous-entend derrière ? C'est au niveau des modes opératoires ? Au niveau des modes opératoires, au niveau de la préparation de l'opinion publique. Hein, et ça a été très important parce que dans le cas de ces grèves enseignantes, c'est aller chercher le soutien des parents d'élèves, etc. Voire parfois de l'administration elle-même. Des écoles elle-même. Et la preuve, c'est que bien que la grève, dans la plupart des États où se sont produits ces mouvements de grève, bien que la grève soit interdite et qu'elle soit en général sanctionnée par des pénalités financières qui sont importantes, il n'y a pas eu de pénalités financières, si vous voulez. Et les grèves ont été victorieuses dans le sens où les travailleurs et les syndicats qui ont été impliqués, parce qu'il y a quand même eu des syndicats, hein, bien sûr, derrière, des syndicats d'enseignants, dont deux des plus importants, ont obtenu gain de cause en matière d'augmentation de salaire, en matière aussi de... salaire qu'il faut dire a été gelé depuis assez longtemps. Hein. Qui ont été gelés, en particulier à cause de la crise, hein, de la, 2007, ce qu'on a appelé 2008, la grande récession, ouais. Voilà, et qui a entraîné des coupes budgétaires dans les États, puisque ce sont le financement de l'école aux États-Unis que ce soit l'école élémentaire, lycée et même l'université, vient principalement des États, hein, et non pas du gouvernement fédéral. Donc les coupes budgétaires ont été féroces dans les États et ils ont coupé bien sûr dans les budgets sociaux et dans les budgets de l'éducation, de la santé, etc. Catherine Sauvier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous intéresser à ce mouvement de grève assez singulier qui a touché Hollywood, c'était aux alentours de 2008, une grève assez massive, je crois que c'était quelques 10 000 scénaristes qui avaient décidé de lever le pied, et qui s'est renouvelé encore assez récemment, 2017-2018, avec l'explosion des séries, et qui a vu le syndicat important des auteurs et des scénaristes déclencher un bras de fer. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes un petit peu intéressé? Le syndicalisme à Hollywood ou dans ces métiers du cinéma, c'est un syndicalisme, je dirais, assez corporatiste auquel je me suis moins intéressé, disons, que dans d'autres mouvements, mais c'est vrai que c'est un syndicat assez puissant qui a obtenu à chaque fois gain de cause, alors que l'industrie cinématographique est puissante aux États-Unis. Aussi, parce que l'impact des mouvements touche l'international. Bien sûr, hein, bien sûr. Ce qui ne peut pas être le cas d'une grève d'instituteurs. Bien sûr. Alors, non, mais par contre, une autre grève qui est très intéressante et qui est nouvelle aussi, et qui là aussi renvoie à des pratiques innovantes, c'est la grève des travailleurs de ce qu'on appelle la gig economy, hein, c'est-à-dire tous les travailleurs des plateformes. C'est une grève très récente. Elle a eu lieu en 2019 pour la première fois. Des chauffeurs Uber et Lyft, hein, qui sont les deux compagnies de VTC les plus importantes aux États-Unis, se sont mis en grève à l'échelle internationale. C'est-à-dire, ils se sont mis en grève d'abord à Los Angeles, dans différentes villes américaines, et puis ce mouvement a inspiré, et ils se sont mis en grève le même jour. Hein? Donc, là aussi, ça fait pression sur les employeurs, hein, enfin, qui ne se définissent pas comme des employeurs, puisque toute la question, c'est de savoir si ces travailleurs sont des travailleurs indépendants ou des employees, qu'on peut traduire par salariés. Une autre grève intéressante aussi qui s'est développée à l'échelle internationale, c'est la grève dans l'hôtellerie, les hôtels Marriott en 2018. Hein, il y a eu aussi l'appel à une journée de grève. Une vingtaine d'établissements aux États-Unis se sont mis en grève ce jour-là, mais aussi d'autres établissements dans d'autres pays. Donc on voit bien aussi que les stratégies syndicales cherchent aussi à s'adapter à ce nouveau monde. Voilà, voilà. Catherine Sauvier, merci d'être venue au micro d'Histoire Vivante. Merci. Demain, nous recevrons la réalisatrice Véronique Rotelli, auteure du documentaire « Au pays de la paix du travail », à voir sur le site des docs de la RTS, et bien évidemment dimanche soir sur RTS2. Enfin, comme chaque jeudi, Histoire Vivante est aussi à lire dans La Liberté. Histoire Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain un autre développement du sujet. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.